Salut à tous et bienvenue sur Radio Campus Montpellier, le 102.2 FM pour les gens sur Montpellier et le site internet www.radiocampusmontpellier.fr pour tout le reste de l'univers. Vous êtes sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde. J'espère que c'est les comics. Oui, c'est les comics. Et cette semaine, c'est un spécial pour cette 12e émission. On va vous parler d'un petit film qui va sortir, enfin d'un petit univers qui sort demain. On en parlera plus tout à l'heure. Vous l'avez peut-être entendu, je suis avec Faye. Salut Faye. Bonjour James, bonjour Mathieu, bonjour à vous qui nous écoutez. Et je suis avec Mathieu aussi, puisque tu viens de spoiler. Mais je m'en fous, je dis bonjour à tout le monde. Moi, c'est exceptionnel, ma venue. Bon, J-1, je dirais pas plus. Oui. D'accord. On n'en peut plus. C'est clair. Donc, est-ce que ça va? Votre attente n'est pas trop élevée? Je suis comme un réveillon de Noël. D'accord. Voilà, c'est Noël avant l'heure, après. Oui. Le 25, c'est naze. Après, ça intéresse personne. On s'en fout du 25. Le Père Noël, c'est un gros con, il nous fait chier. Voilà. Sauf s'il apporte des cadeaux Star Wars. Et tu ne spoil pas. Pardon, ne spoil. Tu vois, c'est l'émotion. Et spoil maison, c'est pas il mal. Il est 18h01 et je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, normalement, il devait y avoir un concours qui se lance et ça n'a pas marché, je crois. Il va falloir que tu reprogrammes. Et en plus, j'ai pas l'image. Donc, enfin, bon, c'est pas grave. Pour les gens qui nous suivent sur Facebook, et bien c'est les gens qui ne nous suivent pas encore sur Facebook, allez nous suivre sur Facebook, on vient de lancer, enfin on va essayer de lancer un concours pour vous faire gagner plein de petits lots autour du comics et pas que, donc deux packs que vous aurez à gagner, et pour ça il suffira de liker la page de Facebook de Comics Discovery et de partager l'image en mode public. Donc allez voir sur le Facebook, allez voir ce soir. Ça sortira ce soir, ouais. Parce qu'il semblerait qu'il y a eu un petit bug Facebook. Okay. Il n'y a pas de problème. Vous avez fait planter Facebook. On a raté la pré-publication. Bon, le jour où on n'aura pas un petit bug. Hein. Ouais, voilà. Bon, bah, on va pas s'attarder sur ça. On vous juste dit, allez surveiller la page Facebook. Et en attendant, on va commencer les petites news. Et on va commencer ces news avec la sélection des comics d'Angoulême, puisque le festival international de la BD d'Angoulême va pas tarder à pointer le bout de son nez, puisqu'il va se dérouler la fin du mois prochain, le 26 et le 29 janvier, donc à Marseille. Non, Angoulême, tu ne suis pas. Et le comics va être à l'honneur, parce qu'en plus de tous les trucs autour de la BD, vous aurez deux expos qui sont consacrées aux comics, dont une qui sera consacrée à toute la carrière de Will Eisner. Donc Will Eisner, c'est le créateur de The Spirit. The Spirit, c'est un peu le papa de Batman et des trucs pulp un peu dans ce film. Un très mauvais film. Et un très mauvais film, exactement. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. Mais c'est un bon comics. Est-ce c'est que vrai. T'as déjà lu du Spirit? Oui, bon, c'est le papa de tout ça, un petit peu. C'est l'ancêtre des comics qu'on aime bien maintenant. J'avais beaucoup aimé les dessins, je sais pas de qui c'est. De Will Eisner. Will Eisner, il faisait tout. Ouais. Ah, je crois que c'est le scénariste. Non, il faisait tout. Et il y aura une autre expo sur les 20 ans de Panini Comics. Donc il y aura 20 ans de conneries, parce que Panini Comics n'est pas. C'est pas mon éditeur favori. Alors moi je voudrais savoir s'ils peuvent nous dire quand est-ce que sortira enfin la suite de Buffy et de Angel et Faith. Donc que tu leur demanderas pendant leur exposition, parce qu'il va y avoir une exposition. Eh bien je vais y aller rien que qu'il aurait consacré, et en plus de ça, ça fait 20 ans que je rachète des comics. Et oui, ça te rajeunit pas. En plus de ça, dans les 14 albums sélectionnés pour faire partie de leur truc du festival d'Angoulême, il y en a 6 qui sont des comics, donc je vais vous les citer. Alors il y a Beach Planet de chez Glénat Comics, dont j'ai pas eu la chance de lire, mais qui à ce qui paraît pas mal, et j'ai eu pas mal de reviews qui disaient que c'était génial. Cul-de-sac chez Urban Comics, et je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne pourrais pas vous dire. Un autre truc que je crois Mathieu a lu, c'est Jupiter Legacy tome 1 chez Panini Comics. Oui. C'est le truc de Mark Millar, non? Mark Millar et Frank Whiteley au dessin. Pourquoi ça me parlait? Parce que j'en avais entendu parler. Oui, c'est du super-héros badass, très, très réaliste. En gros, c'est comme si les Avengers ou la GLA avaient un petit peu moins de scrupules à utiliser leur pouvoir pour faire ce qu'il faut pour que la planète tourne comme ils veulent. Donc d'accord. C'est assez, c'est assez badass, assez ça, moderne. C'est bon, hein. Oui, mais c'est du Millar, quoi. Oui, c'est du voilà, ça révolutionne rien, mais c'est plutôt bien dessiné et c'est pas inintéressant sans être très profond. Ok. Et il y a Lazarus tome 4 chez Glénat Comics. Est-ce que tu l'as lu, Lazarus? Non, mais j'ai entendu très très bien. Ouais. Et Rat God chez Delirium. Et je crois que tu l'as lu ça. Bah, si c'est celui de Richard Corben, oui. Alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir. C'est Richard Corben, c'est un dessinateur qui quand même très branché horreur. Et c'est, là pour le coup c'est une histoire très très glauque, avec un personnage qui se retrouve à courir après un amour de lycée, si je me rappelle bien, mais dans le bayou, dans des espèces de familles un peu chelou, un peu délivrance et compagnie. C'est très inquiétant, mais c'est vraiment un truc d'ambiance horreur un peu à l'ancienne, un peu gothique. Moi j'ai vraiment aimé. Ok. Et le dernier, c'est Saga qui définitivement rafle tout. Donc, ouais, Le Saga Ronaldo. De Brian Kevogan et Fiona Staples. Donc, si vous l'avez pas encore lu, vous pouvez aller lire. C'est vraiment... C'est marrant, moi, j'ai pas trop. T'as pas accroché ? Non, j'ai trouvé ça assez classique comme histoire. Ça m'a pas emballé plus que ouais, ça. Ouais, moi, j'ai pas eu envie. Enfin, j'ai acheté le tome 1 et j'ai pas. Après, j'ai pas je me dis, est-ce que c'est parce que justement, quand j'ai lu, j'avais eu beaucoup de retours. Genre, il faut le dire, ouais. C'est extraordinaire et tout. Et je m'attendais à un truc grandiose. J'ai préféré Paper Girl. Dans le même style. Ouais, voilà, j'ai plus accroché à Paper. Descender, pardon, je n'ai pas aimé du tout. Mais toi, t'es... Ouais, on ne va pas partir sur ce débat. Et on va passer à une autre news avant de dire n'importe quoi. Et on va passer à 2-3 news ciné en vrac. Donc, en plus du trailer de Spider-Man Homecoming, est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous avez quand même vu ? Non, j'arrive à peine. Tu n'as rien loupé. Formidable, je repars. Franchement, je l'ai trouvé, mais... Oh, c'est sympa, c'est du Marvel, quoi. Ils refont du Marvel. Est-ce qu'on voit Tony Stark? Oh, bah ouais, bien sûr, c'est ça qui m'a gêné. Est-ce qu'il drague Tante May? Non. Ah, moi j'y vais pas. Non, mais je sais pas, j'ai trouvé rien d'exceptionnel, quoi. Enfin. Ok. Tu vas te faire conspuer par une bonne partie des gens. Et donc, en plus de ce trailer qui est sorti il y a pas longtemps, on sait que Spider-Man Coming a déjà une suite en projet avec une date de sortie pour cette suite qui sera juillet 2019. Donc, ce qui arrive juste après Captain Marvel qui sera en mars et Avengers en mai. Ça fait 3 films de chez l'écurie Marvel Studios qui s'arrivent à 2-3 petits mois d'écart. Ça va être une année 2019 assez chargée. Ça va être repoussé. En super-héros. Il y a plein de fois où justement ils nous avaient sorti un gros emploi du temps avec des films qui se suivaient. T'as des films qui ont été annulés ou repoussés. Donc, C'est même dommage pour Captain Marvel, 2019. Je trouve, parce qu'elle va être peut-être un peu. Le projet est intéressant. C'est une super-héroïne. Voilà, Marvel en a pas beaucoup. C'est assez porteur. C'est dommage. Ouais. Enfin, j'espère qu'elle va pas être noyée au niveau de. Moi aussi, j'espère. Au niveau de tout ça, elle méritait, je pense, quand même par principe, un peu plus de. Un peu plus de mise en lumière. Il faut mettre en avant les super-héros féminins. Et parce oui. qu'il y en a marre maintenant. Voilà. On dit rien. C'est le petit coup de gueule. Suivant, on va passer à une autre news en vrac. C'est le film Aquaman qui devait avoir Black Manta comme méchant principal. Donc Black Manta, c'est l'espèce d'Aquaman black avec une tête de Ray Manta. Je connais pas bien le personnage, mais de ce que j'ai vu, c'est pas très très. Moi je trouve cool, il est marrant. Il est rigolo, mais. Dans Young Justice. Oui, on le voit dans Young Justice. Un petit peu ridicule, quoi. Non, il est classe. Mais il va y avoir un autre méchant, puisque c'est Patrick Wilson qui va débouler dans le casting en tant que Ocean Master. Donc Ocean Master, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est le demi-frère de Aquaman qui est censé être le roi d'Atlantide, mais qui se fait détrôner par son frère. Il se ressemble pas des masses, hein. Et oui, c'est vrai que entre Patrick Wilson, si vous savez pas qui c'est celui qui était dans Conjuring, qui a le rôle principal de Conjuring 1, 2 et 3. Dans Watchmen. Et le hibou de Watchmen, effectivement. C'est un très très bon acteur qui n'est acteur. Pas assez employé et qui fait souvent des seconds rôles. Effectivement. Et c'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à Jason Momoa, mais vraiment pas du tout. Vraiment, ils sont vraiment demi-frères, tu vois. Ouais, très éloignés. Très éloignés. Il y en a qui a été adopté. Et du coup, c'est bizarre qu'il y ait deux, peut-être qu'il sera là en tant que méchant pour la suite ou je sais pas. Moi, je le sens tellement pas, le film. Moi, James Wan. Ouais, James Wan. James Wan, mais... Donc, pour rappeler, il a le réalisateur... Fast and Furious 7, hein, le pauvre. Hein. Mais est-ce qu'il était bien face au film? Non, il était pas bien. Okay. Ils ont fait tout un montage à la mort du mec qui est mort, alors forcément... Ouais, mais du coup, ça l'a pas aidé. Voilà. On va passer à une autre news ciné. C'est le tournage de Justice League qui est repoussé parce que Ben Affleck veut prendre plus de temps pour son film Batman et qui dit qu'il a pas encore trouvé le scénario qu'il voulait, donc il veut prendre le temps, qui pense que faire un film Batman c'est quelque chose qui a été déjà fait plusieurs fois et bien fait et qu'il a envie de prendre le temps pour le faire, et moi je trouve que c'est plutôt cool. Alléluia même. Bah, ouais. Ben coup, Affleck. Tu vois, ça a su la news qu'on a vu justement, les producteurs disaient qu'ils s'en foutaient du scénario. Ça prouve qu'au moins, au niveau de l'équipe créative, il y a des gens qui leur tiennent. Ouais, bah il y a Ben Affleck qui utilise son truc de star international pour dire moi je prends mon temps c'est pour faire mon film. C'est plutôt son statut de réalisateur. De réalisateur bankable. Ouais. Donc ça c'est cool. Il tient tête un peu à son studio et ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut que valoriser. Non mais Ben Affleck réalisateur, c'est vraiment il a trouvé sa voie. Et je pense qu'il peut amener quelque chose d'intéressant sur Batman. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et on va passer à une autre news. et c'est un nouveau dessinateur pour Spider-Man, puisque alors que l'arc Clone Conspiracy qui vient de finir, enfin qui est en train de finir avec au dessin le talentueux Jim Chung, Jim Chung, pour ceux qui voudraient savoir où c'est que vous l'avez vu, je crois qu'il a fait un arc de Young Avenger qui était assez cool, Children Crusade, donc c'est une espèce de, pas une Quapelle du pauvre, mais un peu dans la même veine que Quapelle au niveau du dessin. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Mathieu. Oui, ouais, si, wow, c'est pas mal quand même. C'est joli, c'est très joli. Un peu moins stylé que Quapelle, mais c'est. Oui, bien. Bon, en même temps, Quapelle. Oui, bon, Quapelle. C'est classique. Cocorico. C'est classique. Enfin bon, on va passer à... C'est pour vous dire que il va y avoir un nouveau dessinateur et c'est Stewart Timonen. Donc Stewart Timonen, c'était quelqu'un qui était sur All New X-Men. Oui. Il était sur Star Wars aussi. Ouais, très bien. C'est un très très très bon dessinateur. On avait lu le All New X-Men. Ouais, on l'avait lu. Et c'est toujours Dan Slott qui écrit. Ça fait un moment qu'il est sur le personnage. Ça fait longtemps, mais... il va remettre en avant, attention petit spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir, il va remettre en avant un autre vilain très très connu de l'univers de Spidey, et c'est Norman Osborn. Ah, c'est original. Non, ça pourquoi change. Pas. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu, il en a un peu pris plein la gueule, le petit Norman Osborn, depuis quelques temps. Ouais. Et on va le remettre d'aplomb. Ah, puis c'est méchant emblématique comme et ça. C'est laisse-moi deviner, il va aussi être dans le film Spider-Man, parce que dans tous les Spider-Man, oui, il y a toujours Norman Osborn, c'est vrai. Mais non, ou le crois fils. Pas. Ou ah, c'est le Joker du Batman. Hein. C'est un peu, effectivement. Ça serait. Ça serait dommage. Dafoe, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien William Dafoe. Oui. Ouais, il était parfait. Et on va passer à une autre news. Et c'est un crossover assez spécial chez DC Comics qui décidément les enchaîne, puisque après Power Rangers il y a quelques semaines, dont on a vu les variantes ce week-end qui n'étaient pas très très belles d'ailleurs, c'est un autre univers qui va faire un crossover. Donc est-ce que Faye, tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'un crossover pour les gens qui ne sauraient pas? Alors ce sont deux univers qui se mélangent. Par exemple, prenez cette série magnifique qui est Buffy et cette série géniale qui est Angel. D'accord. Quand ils se rencontrent, ça fait un crossover. Bon, mais là c'est dans deux Buffy et Angel sont dans le même univers. Oui, bah prenez le caméléon et prenez Profiler qui sont faits par le même producteur. Oui, ils se rencontrent dans un épisode, ça fait un crossover. C'est un truc de série télé, mais ça a été d'abord un truc de comics où c'est des personnages d'univers différents. Je donne des exemples accessibles. Et là, c'est on vous montrait Power Rangers, donc l'univers Power Rangers, c'est l'univers de DC Comics, dont Batman, Superman, tout ça, qui se rencontrent. Et là, c'est pas Power Rangers, c'est c'est presque ça, c'est Anna Barbera. Oui, bah c'est Scooby. C'est Captain Cavern. Vous allez avoir Booster Gold qui rencontre les Flintstones. Ou Harley Quinn qui rencontre les Jetson. Mais ils sont nuls ces persos. Ben ouais. Faut prendre Captain Caverne. Mais non, il y a pas Captain Caverne. Enfin, oui, à la limite, j'ai pas noté tous les et trucs parce qu'il y a pas là, mal de trucs. Il s'appelle Yogi Bear. Ouais. Celui qui cherche son. Ouais, génial. Batman versus Scooby Doo. Qui résolvera l'enquête. Oh, Superman qui a Yogi Bear à trouver son sac de miel dans la forêt. C'est fantastique. Ouais, ça fait rêver les comics. Mais je sais pas ce qu'il fume à DC Comics pour faire des crossovers comme ça. Il faudrait qu'il fasse tourner un peu. C'est peut-être pour les petits, je sais pas. Peut-être. Il y a pas une collection. Parce que j'ai vu des petites images et ça a l'air vachement c'est pas cartoon du tout. Bah ça se trouve Scooby-Doo il est devenu cannibale, il a mangé tous les gens de la Mysterious Band. Ah, ce serait pas une grande perte. Bon, on va passer à une autre news après ce truc un peu débile. Et c'est une news un peu plus sympathique puisque c'est un jet que j'ai nommé un jetpack pourrait bien ressusciter de ses cendres. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du film ou du personnage tout simplement de Dave Stevens, Rocketeer, qui avait eu le droit à son film dans les années 90 par le réalisateur du premier Captain America, Joe Johnston. Et en fait, selon certaines rumeurs, il va y avoir un reboot de ce film. Et notamment, enfin, on n'est pas sûr puisque en fait la news a fuité grâce à Dan Trachtenberg. Est-ce que tu te souviens de qui est Dan Trachtenberg? Quelqu'un que tu aimes beaucoup, même oui, si tu ne souviens pas. Savoir, toi. Dan Trachtenberg. Ouais. Putain, le nom, ça me dit rien. C'est le petit génie derrière 10 Cloverfield Lane. Oh, et donc c'est lui qui a fait fuiter cette news. Enfin, il a fait fuiter une image. Il va le réaliser. Et un pitch. Et c'est pas dit s'il le réalise ou pas. Mais en tout cas, ça va être. Ça va être dans une. Il change un peu l'univers de Rocketeer, puisque ça va être encore dans l'univers un peu avec des nazis tout ça. Ah. Mais ça va être dans une uchronie où les Allemands sont à deux doigts de remporter la guerre et Rocketeer va arriver pour essayer de contrecarrer tout ça. Donc moi je trouve ça plutôt cool parce que j'ai bien aimé le film était cool. Alors moi j'aime bien le film surtout avec Timothy Dalton qui nous fait un magnifique accent nazi de derrière les fagots. Après, le remake, faut voir. Si et le comic, c'est génial. Franchement, si vous aimez les univers le un peu pulp, très bien. Avec des pin-up. Si vous aimez Betty Page. Si vous aimez Betty Page, franchement, jetez-vous sur le comic, il est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, cool. Je crois que l'auteur n'était pas ami avec Betty ouais, Page. Ouais, ils étaient potes avec Dave Stevens. Ouais. Dave Stevens est mort il y a quelques temps déjà. Bon, voilà. En tout cas, c'est, moi, je trouve ça cool, un petit remake. Faut voir, tant qu'il y a des nazis. Est-ce qu'il y aura un méca Hitler ? Je ne sais pas s'il y aura un méca Hitler. Je demanderai au monsieur dont le nom est imprononçable, Dan Trachtenberg. Mais Cloverfield, je vous conseille, ouais, c'était cool. De toute façon, il y avait John Goodman dedans, donc ça peut être que bien. Il y avait la petite là, je mets toujours son nom, cette petite, je l'aime bien. Celle qui était dans Scott Pilgrim ? Oui, j'ai perdu son nom. Je sais pas, je me souviens. À chaque fois, je l'oublie. Je vais pas noter. Tu te souviens pas non plus. Et ben, en hommage à Rocketeer, on va écouter une chanson qui s'appelle When Your Lover Gone, et c'est Melora Hardin qui vous chante ça, et c'est tiré justement de Rocketeer. C'était Melora Hardin avec When Your Lover Gone. Vous êtes toujours sur Comics Discovery. Non, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2. Et c'est Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics. Et comme on l'a teasé en début d'émission, on va vous parler de quelque chose de très d'actualité, puisque ça sort demain. Je sais que tu es sur le bord de tu en peux plus, vas-y, dis-nous de quoi on va parler. De Star Wars. De Star Wars. Guerre des étoiles, parce que demain, il y a Rogue One qui sort. effectivement. Voilà. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et c'est pas la suite de l'épisode 8. Mais en bed, je nous ai mis le thème de Ray, même si c'est... Ah. Ah, c'est magnifique. Magnifique. La fille de... La fille de... On ne sait, on pas. Sait pas. On ne sait pas. Mais il y a des théories. Et on sait pas de ça qu'on va parler. Parce que nous, on va vous parler de l'univers Star Wars, mais en comics. Et j'ai demandé à mes deux chers amis qui sont très, très, très, très fans de Star Wars de nous faire une petite présentation de l'univers légende. Donc, l'univers légende, c'est l'univers qui est avant que Marvel rachète. Parce que si vous ne savez Marvel, pas. Marvel, c'est Disney. C'est Disney a racheté, a racheté Lucas. En 2012. En 2012. Et en. Vas-y. Je suis lancé. Fais-nous un petit historique. D'accord. Tu parles juste vite fait. Vas-y. Ouais. Non, en fait, en 2012, Lucasfilm a été racheté par Disney pour une jolie petite somme, ce qui avait fait pas mal de stupeur à l'époque. Et ils ont dit, écoutez, puisqu'on va relancer la machine, on va créer un nouvel univers étendu, histoire un peu que ça colle au film et de permettre de faire une porte ouverte à ceux qui n'étaient pas rentrés dedans. Mais du coup, c'est pas la première. Enfin, il y avait déjà des comics avant ce nouvel univers. Tout à fait, il y avait des comics, des romans, des jeux. Oui, et c'est Dark Horse qui s'occupait de ça. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'univers légende, donc l'univers qui n'est plus canon à ce nouvel univers Star Wars. Et c'est Mathieu qui va nous parler de l'univers légende. Ouais, donc effectivement, Faye a tout dit. Donc la date, je l'ai recherchée un peu hier, je suis arrivé à la trouver, c'est le 25 avril 2014. Donc en fait, en 1977 sortait Star Wars. Bien évidemment, très vite, l'engouement a été tel qu'énormément de produits dérivés sont sortis. Des romans, des comics, des jeux vidéo, des séries, d'animation, des jeux de rôle. Il y a énormément de supports qui sont sortis. Et tout ce qui n'était donc pas écrit par George Lucas, mais par d'autres auteurs, s'appelait l'univers étendu, où il y avait eu énormément de personnages différents. C'est là que le chasseur de primes Boba Fett a pris un peu de l'épaisseur. C'est là qu'on a découvert le grand amiral Thrawn de l'Empire, Mara Jade, l'assassin de Palpatine, qui est devenue Madame Skywalker. On a vu ce que donnait l'Alliance une fois qu'elle a gagné contre l'Empire. On a vu ce que devenaient les enfants de Han Solo, de Leia et de Luke Skywalker. Donc ça couvre en fait une période chronologique très très vaste. Ça va de moins 36 000 ans avant les films jusqu'à plus 138 ans, jusqu'à 140 même. Et donc ça a commencé officiellement en 1978 avec le roman Splinter of the Man's Eye de Alan Dean Foster. Et ça s'est arrêté donc officiellement le 25 avril 2014, date à laquelle Disney a lancé le projet des autres films. Et comme vous disiez, Faye, ils ont annulé totalement tout cet univers-là, à une ou deux exceptions. Oui, ils ont quand même gardé des planètes, ils ont gardé des vaisseaux, certains personnages qu'on va retrouver. Voilà, les auteurs fouillent. Après, ils ont gardé, en gros, tout ce qu'ils ont gardé, c'est les films, les romans sur les films, la série Star Wars The Clone Wars et des romans qu'il y avait un peu autour, quoi. Oui, ils ont gardé ça. Ils ont gardé de manière exceptionnelle, oui, juste ça. Et le comics Dark Maul, le fils de Datomir, qui est sorti le mois dernier, qui est pourtant pas édité par Marvel, mais en fait est un script de The Clone Wars que le producteur est arrivé à fourguer un peu comme ça. Et le roman Dark Disciple, qui n'a pas été édité en français. Alors, il sort en janvier, Dark Disciple. Ah. Et il fait le pont justement entre légende et univers étendu. Il compte pour univers étendu, du coup. Voilà, et a priori, moi je l'ai lu, donc si jamais vous voulez, c'est vraiment pour les fans de The Clone Wars qui veulent connaître la fin de l'histoire du personnage d'Asajj Ventress et du Jedi dont j'ai mangé le nom, Quinlan Vos. Oui. Et donc. Moi je suis complètement perdu. Voilà, t'es encore là. Il y a un neck dropping. Ventress, si je me rappelle bien, oui, là, c'est un peu pour Dooku, c'est ça. Oui, c'est l'ex-disciple du côté obscur qui revient. Elle est chauve pour ceux qui ont essayé de les saluer. D'accord. Elle est chauve. Va nous chercher des cafés. Tu sais, tu sais, ouais. Mais elle était très classe comme perso. Donc tout ce qui s'est passé avant ce 25 avril 2014 est passé à la trappe. Il y avait beaucoup de choses, comme vous disiez, Faye, il y a pas mal de personnages qui ont été récupérés à droite à gauche parce que ça aurait été dommage. Et alors rapidement, moi je vais vous parler de deux titres, parce qu'il y en a tellement qu'on pourrait en faire une émission de 8 heures, mais a priori ils vont pas être d'accord. Donc le premier, c'est moi, le... Moi je veux bien. Hein. Oui, nous on peut... Bon, après on peut continuer off. Hein. Vas-y. On est sur le parking après la radio, si vous voulez. Si vous voulez venir. Donc le premier, c'est Star Wars Legacy, qui est écrit... Donc, un comics qui se passe 137 ans après la victoire de l'Alliance Rebelle contre l'Empire par John Ostrander et Yann Dorsema. Ostrander, c'est un mec connu dans l'univers, oui, l'univers étendu, il a fait pas mal de trucs, non ? C'est même les deux, Ostrander et Yann Dorsema, c'est scénariste et dessinatrice, ils ont fait beaucoup beaucoup de choses pour Star Wars et souvent du très très bon. Ouais. Okay. Comic sorti entre 2006 et 2010, donc il nous présente une galaxie dans le chaos, comme d'habitude. Mais ce que j'ai trouvé assez original et intéressant, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas juste deux camps, il y en a quatre, parce que vous avez le plus puissant qui est l'Ordre Sith, qui est dirigé par Darth Krayt, qui lui a cassé la règle des un maître, un apprenti pour les méchants, et du coup vous avez une ribambelle de Sith tous aussi perturbés les uns que les autres. Vous avez l'Empire qui a dans ses rangs des chevaliers impériaux qui maîtrisent la force, mais qui sont ni Jedi ni Sith, ce qui était plutôt une idée assez originale. Et vous avez les restes de l'Alliance Rebelle, ainsi que des Jedi, car l'Ordre a été relancé par Luke Skywalker un peu après les films, dans d'autres romans. Et au milieu de tout ce bourbier, vous avez Cade Skywalker, qui, comme son nom l'indique, est un petit descendant, sauf qu'il a tourné totalement le dos à sa legacy, à sa lignée, et c'est juste un chasseur de primes assez arrogant, accro à la drogue au dernier degré, et qui en a quasiment rien à foutre. Une espèce d'Han Solo qui aurait mal tourné, quoi. Voilà, un Dark Han Solo. Et donc du coup, bien évidemment, il va être rattrapé par son nom, et moi j'ai trouvé que c'était du très bon Star Wars, c'est beau, Yann Dorsema, je trouve ça assez beau, il y a de belles batailles, il y a beaucoup de personnages, il y a pas mal de drames, il y a un beau parcours initiatique encore, ça a duré 50 numéros US, donc ces fameux fascicules de 26 pages qui sortent tous les mois. Et vous pouvez les trouver en VF chez Delcourt, qui est l'éditeur officiel. Il y a quand même 23 volumes, mais il y a un début et une fin. C'est une belle histoire, je trouve, qui se termine enfin avec une mini-série où ça pète un peu de partout. Et c'était un bel ajout à l'univers étendu, une petite prise de risque qui se passe quasiment 140 ans après. Ensuite, il y a une petite suite, un volume 2 qui est scénarisé par Gabriel Arnman et Corinna Becco, qui est un petit peu moins épique, qui lui se concentre sur la descendante de la famille Solo, qui est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de le lire en fait, vous pouvez à la limite, il est sympathique. Mais, voilà, il est sympathique, mais vous pouvez, quitte à en lire un, autant lire le premier, quoi. Ok. Et deuxième titre, alors j'ai triché un peu, parce que je vais vous parler de plusieurs histoires, c'est une série d'histoires qui s'appelle La Légende des Jedi. Alors cette fois-ci, on est entre moins 5000 et moins 4000 avant le premier film. Les auteurs sont Tom Veitch et Kevin G. Anderson, et donc pour le coup, on est en pleine période de l'Ancienne République, donc bien avant l'Empire et bien avant Luke Skywalker. Et donc c'est 8 histoires, en tout il y a 35 numéros US, et on assiste notamment à la première rencontre entre l'Ancienne République et les Jedi et les Sith, qui à la base sont une simple secte, et de par leur rencontre avec cette République commencent à jeter son dévolu dessus, à jeter du complot, à faire de la corruption et à commencer à retourner certains Jedi. Il y a d'énormes batailles, c'est très très épique. Il y a des événements importants dans la chronologie Star Wars, donc de cet univers légende, comme la grande guerre de l'hyperspace ou la guerre des Sith, où pour la première fois des bataillons de Jedi et des bataillons de Sith se mettaient joyeusement sur la figure. Et c'est vraiment une base dans cet univers légende, parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là. On y voit notamment des planètes qui sont très connues après, comme Corriban ou Onderon. On y voit des personnages, alors là aussi name dropping, Ulik Keldroma, Nomi Sunrider et Exarken, qui est un Jedi qui a été le premier dans l'histoire à devenir seigneur noir des Sith, du moins qu'on le voit, et qui fut tué, pour la petite histoire, dans un temple sur la planète Yavin 4, qui se trouve être le temple de la base rebelle d'un nouvel espoir. Ah, et le futur Académie Jedi de Luke Skywalker. Tout se tient. Okay. Et donc là, pour le coup, ouais, c'est vraiment des conflits galactiques, c'est très épique. Et j'aimais beaucoup le travail qui a été fait sur les dessins, où vraiment ils avaient pris la technologie qu'on connaissait un petit peu, mais ils l'ont beaucoup vieilli. Les voyages sont beaucoup plus compliqués, les sabres laser n'ont rien à voir, même l'architecture des bâtiments ou le niveau technologique des vaisseaux, c'est vraiment bien bien travaillé. Et c'est vraiment riche, c'est totalement dépaysant par rapport à ce qu'on connaît, c'est pour ça que j'ai un peu choisi ces deux comics. Et c'est, voilà, encore une fois, ça suffit à eux-mêmes, il y a un début et une fin dans toute cette histoire, et encore une fois, c'est vraiment du Star Wars, des batailles, des retournements de situation, des drames psychologiques, des personnages torturés au milieu qui repartent, qui reviennent. C'est un bon moment, c'est un peu plus ancien, parce que c'est milieu 90, mais ça reste très très très bon. Ok, et ce que tu ne dis pas, et ce qui est cool, c'est que malgré le fait que ça soit plus... ça n'existe plus, et ça va pas ressortir en US. Delcourt les ressort et fait des rééditions, qu'on appelle en légende. Ouais, bon, déjà, mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a certains numéros qui se revendaient très très cher avec ouais, les codes, ouais, des trucs, et le fait que ça ressorte, ça permet de baisser, surtout sur les romans en fait. Moi, je sais que c'est plus les romans que j'avais lus, et il y en avait certains que j'avais pas pu acheter parce qu'ils étaient vraiment devenus très chers. Il y en a qui sont introuvables. Par exemple, là, les romans sur Throne, si vous voulez un peu découvrir le perso avant qu'il y ait le livre qui sorte, ça peut être pas mal. Vous avez La croisade du Jedi fou, qui est super bien. Ah oui, c'est tout ce que t'as acheté. Et la main de Throne. Ouais, du coup, ceux-là, j'ai pu les acheter parce que je les avais lus. Donc, c'est des trucs qui sont pas qui sont pas canon. Mais ils ont repris le personnage et certaines caractéristiques. Et du coup, en fait, le créateur de ce personnage va sortir un roman sur lui qui sera l'année canon, prochaine. Voilà, qui sera canon. Oui, parce que là, ce que parle Faye, la trilogie croisade noire du Jedi fou, c'est l'écrivain Timothy Zahn. Voilà, ça se passe un petit peu après le retour du Jedi. Il y a trois romans et ça a été considéré par les fans pendant très longtemps comme une vraie trilogie après les films, tellement c'est bien écrit et tellement c'est puissant. Quoi. Et ben, est-ce que tu veux nous parler de l'univers canon, toi ? Oui, bien sûr. Alors, l'univers canon. Alors, pour l'instant, l'univers canon est assez jeune. Ouais. Il se situe. Alors, au niveau des histoires, il y a certaines histoires qui vont être pendant l'émergence de l'Empire, et ça va aller jusque entre les épisodes 6 et 7, en gros, pour vous résumer. Okay. Donc ça se concentre pas mal sur la partie justement pendant l'Empire, avec des titres qui vont faire la liaison pour l'instant entre le film 4, donc Un Nouvel Espoir, et 5, L'Empire Contre-Attaque. Donc dans cette partie-là, je peux vous citer un titre qui, je pense, est assez nécessaire pour commencer à rentrer dans cet univers étendu par le comics. C'était avec Star Wars de Jason Aaron, notamment. Ouais. Donc, comme je vous disais, ça fait le lien entre l'épisode 4 et 5. Et on a en fait, dans le premier tome, Vador qui essaie de savoir qui c'est qui a pété l'étoile noire. Quoi. Mais mon Dieu. C'est scandaleux. Donc, il fait toute une enquête et tout. Et en même temps, bah, on a les rebelles de leur côté qui font leur boulot de rebelles. Ils montrent comment ça s'organise. Ils cherchent une nouvelle base. Voilà, ils cherchent une nouvelle base. Enfin, tout ce qui mène à ce que vous voyez au début de l'épisode 5. Et en parallèle, vous avez aussi Vador, qui va être intéressant sur les premiers numéros, justement parce qu'on a Vador qui découvre donc l'identité. Et en parallèle, la série Vador. Voilà, en parallèle, la série Vador qui découvre donc l'identité de la personne donc, qui s'appelle Luke Skywalker. Il se dit merde, c'est ballot, Palpatine, il m'a pas dit mon fils il est vivant. Et donc là, on va avoir tout un combat entre les deux, un petit jeu de chat à la souris. C'est intéressant de voir la relation entre Palpatine et Vador. Oui, on sait très bien qu'ils s'attendent à se trahir l'un l'autre immédiatement. Ils ont une relation entre les deux qui fils de pute, quoi. Excuse-moi ils se respectent énormément. De notre côté, on sent très bien que le premier qui va bouger va se faire trahir par l'autre. Enfin, c'est assez bien écrit. C'est ça. Donc, tout le début, c'est bien. Par contre, cette série-là, elle a tendance un peu trop à s'étirer. Ouais. Et elle aurait dû être plus courte. Sinon, si je devais vous conseiller un autre titre à lire, ça serait Obi-Wan et Anakin. Alors, il n'est pas génial sur tout, mais en fait, pourquoi je vous le conseille, c'est parce qu'il fait le lien entre les épisodes 2 et 3 et qu'il va vous montrer donc un autre aspect de cette relation Palpatine Anakin Skywalker alias Dark Vador, et ça permet d'apporter un vrai plus par rapport au troisième film, donc La Revanche des Sith, pour ceux qui avaient été déçus parce qu'on voyait pas assez bien comment il bascule, ça se faisait tout d'un coup et tout, et là on va voir la relation entre les deux, comment il le travaille dès la jeunesse, et c'est intéressant surtout pour ça. Alors après, alors je sais plus si Marco Cecchetto c'est les dessins qu'il fait, c'est les dessins, voilà. Donc les dessins sont pas toujours excellents, je trouve, lui j'ai un peu du mal. Magnifique Marco Cecchetto. Moi j'ai un peu du mal, ça dépend, j'ai trouvé que c'était assez vide par moment au niveau des corps. Bah, ils sont sur une planète un peu désolée. Après, c'est même plutôt dans les flashbacks. Quoi. C'est plutôt dans le mouvement. Oui. Bon, après, il a ses palettes graphiques, hein, c'est pas très très instinctif. Par contre, j'ai préféré du même auteur Les Ruines de l'Empire, qui lui se situe entre les épisodes 6 et 7. Et donc, ça se situe après la bataille d'Andorre. Et ça vous montre que l'Empire n'est pas tombé directement quand l'étoile elle a explosé à la fin. Ils sont là, ouais, trop bien, on fait la fête avec les Ewoks. Non, non, vous allez voir qu'il y a des choses en plus. Mais bon, par contre, si je vais faire une petite critique rapide de ce qui est sorti en comics, c'est pas super transcendant. On a après des titres qui sont centrés sur des personnages qui sont pas génial. Podamron est assez ennuyeux. Par contre, je suis en train de lire Han Solo qui va sortir bientôt en France, et celui-là je vous le conseille. Tu le conseilles toi, je crois. Han Solo, pour l'instant j'ai pas lu le dernier aux États-Unis, je conseille, c'est magnifique. Ouais. Ça révolutionne pas le bidule. C'est qui au dessin? C'est Mark Brooks. J'ai noté en plus. Qui fait des covers extraordinaires et là qui est vraiment très bon. Et comme on disait avec Faye en off, c'est Marjorie Liu qui scénarise, qui est une fille. Mm. Ce qui est plutôt sympa d'avoir une fille sur un comics, on va dire, plus garçon. Ouais, plus mainstream. Ouais. Et alors, par contre, moi je dirais que si vous voulez rentrer dans le nouvel univers étendu et voir un peu tout ce qui trame au niveau politique, ce qui se passe entre les épisodes 6 et 7, enfin vraiment voir la manipulation là où on en est, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers les romans. Même si les comics, il y a des choses internes, les romans sont vraiment très très bien. Vas-y, on a le temps. Et alors, je vous conseille si absolument de lire les romans écrits par Claudia Gray, Lost Star, qui est en fait une histoire, mais c'est chez Pocket Junior, c'est en fait deux personnages qui se lient d'amitié en étant jeunes et qui veulent rentrer en fait dans l'académie pour devenir pilote au sein de l'Empire. Et on va suivre leur évolution, donc de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, et on va voir qu'ils vont s'opposer, il y en a un qui va aller en rébellion et qui va dans l'Empire, et puis l'histoire, elle est vraiment prenante. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un truc pour pisseuse, genre Twilight, machin. Mais l'histoire, c'est vraiment très bien écrit. La psychologie du personnage est vraiment très bien travaillée. Et ça vous montre un peu l'évolution, la puissance qu'avait l'Empire, l'endoctrinement qu'il faisait. Donc c'est vraiment bien. Et je vous conseille surtout, alors c'est mon préféré, Bloodline, de la même... Du même auteur, qui donc fait le lien entre l'épisode 6 et 7, et vous suivez en fait Leia au sein de la République, et c'est très politique, très manigance, et ça permet de voir un peu comment justement le Premier Ordre a émergé, et ça peut donner des indices si vous aimez les théories pour la suite. Il y a un perso, je me demande si on va pas le retrouver dans l'épisode 8, les enfants, je vous le dis, voilà. Bon, on va passer à la pause musicale et puis après on va vous parler de Rogue One un peu plus longuement puisqu'on a un peu de temps en fait. Et en plus comme il n'y a pas d'émission après. Bah, suivant, on peut conseiller d'autres romans. Alors. Oui, moi à la limite quitte à enchaîner, Aftermath. Bah, Aftermath, ils sont traduits. Alors Aftermath, ils sont traduits le. Non, t'as dit qu'on avait du temps. Oui. Mais pause musicale. Déjà, pause musicale. Vous allez apprécier cette pause musicale qui est magique. Bah, dépêchez-vous. J'ai peur. Là-bas, Putain, ça coupe super. Je suis désolé pour les gens qui écoutaient. Fayel, on peut plus. James, tu ne respectes rien. Mais je me suis dit, c'est dans le thème. C'est dans le thème. T'aurais dû mettre la musique d'entrée de Dark Mole, je te l'avais dit. Oui, c'est vrai qu'elle m'a dit. Pète. Non, mais ça, elle voulait être. Elle m'a dit, c'est quoi qu'elle voulait que je mette un truc par rapport à la résistance. Ah, ouais, je lui dis, t'as qu'à faire une émission sur la résistance, tu mets Résiste de France Gall. Au moins, oui. C'est dans l'ambiance, quoi. Ouais. Enfin, bon, j'étais en train de me demander qui avait chanté ça et je m'en souviens plus. Maître Gims. Alors, je pense que c'est un croisement entre Julien Clerc et Pascal Obispo. Donc, on va l'appeler Pascal Clerc. Bon, Georges Lucas va te faire un procès, il a appelé. Il va te prendre 4 milliards, toi aussi. Mais t'as pas parlé des médicloriens dans ta chanson, procès. Georges Lucas a approuvé ça. Donc, bah, il a reçu 200$, forcément, il a approuvé ça. Donc, on était parti, on voulait vous parler de. Mais c'est pour ça que tu nous as interrompu en plus. Ouais. Pour cette superbe. Je suis content de l'avoir placée. Ouais. Je pense qu'elle est peu passée en radio. Et je suis pas peu fier de l'avoir passé en radio. Il pleure le monsieur derrière là-bas, c'est normal. Donc, où on était ? Oui, vous bien, parliez des romans, vous vouliez un peu plus parler des romans oui, Star Wars. Oui, alors on voulait parler, donc on avait. Je sais plus. Donc on avait Aftermath. Oui, voilà. Donc ça va être une trilogie, et en fait pour l'instant il y a que. C'est quoi deux... Explique un peu plus. Ce sont des romans qui se passent après l'épisode, entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Ouais. Et un petit peu comme Bloodline, dont parlait Faye il y a quelques minutes autour du personnage de Leia. Toi aussi, tu as aimé Bloodline. Je conseille Bloodline. Politiquement parlant, c'est assez intéressant. On voit bien. En plus, c'est des romans centrés sur l'IA. Mine de rien, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, elle est excellente, quoi. Elle est vraiment entre la chancelière, la rebelle, la femme d'action. Ça se passe environ, je dirais, 18-19 ans avant l'épisode 7 parce qu'elle est enceinte. Non. Elle a accouché, déjà, il est petit. C'est dans Aftermath qu'elle est enceinte. Oui, c'est Aftermath. Je croyais que tu es reparti sur Blood. Non, j'étais sur Bloodline. Non, t'as raison. Je confonds tout. Oui. Donc, oui, effectivement, ça se passe environ une dizaine d'années avant le 7. Et. Aftermath complète un petit peu ce trou qu'il peut y avoir entre l'épisode 6 et 7. Ouais. Je sais pas si c'est sorti en français. C'est une Alors, le 1 est sorti en français, mais le 2 n'est pas encore sorti en français. Donc, c'est centré sur des personnages a priori qui n'ont rien à voir entre eux, qui se retrouvent sur une planète X mêlée à un conflit, une révolte en fait. Parce qu'en fait, en gros, pour situer, donc après la bataille d'Andor et donc le début de la chute de l'Empire. Il y a des gens de l'Empire qui essaient de résister, les mecs ils disent pas non, on fait la reddition, non, il y a des gens de l'Empire qui luttent encore pour essayer de refaire naître l'Empire, et pendant ce temps, t'as les gens qui étaient réduits en esclavage, parce que c'est vrai, l'Empire a réduit beaucoup de planètes en esclavage, qui se rebellent aussi, quoi. Ça n'a pas été prouvé. Donc. Voilà. Bref, donc voilà. Et on suit un groupe de personnes qui doivent accomplir une mission, en quelque sorte, sur cette planète. On peut pas trop en dire, parce que ça peut spoiler, enfin... Et, okay, voilà, et en fait derrière vous conseillez ces deux bouquins Aftermath. Ouais, alors je le conseille, par contre il faut un petit temps d'adaptation dans la façon dont écrit le gars, et par contre je les conseillerais en bouquin audio, parce qu'en bouquin audio je trouvais que ça passait beaucoup mieux, c'était agréable à écouter. Okay. Parfois en lecture c'est là où tu disais parce qu'il y a plein de bouquins audio sur Star Wars apparemment où vous avez le droit aux alors c'est dans les versions américaines où t'as des bruitages et choses comme ça, et pour certains bouquins t'as des voix spéciales, par exemple celui sur Ahsoka, on a la double doubleuse officielle qui a fait le doublage du bouquin. C'est cool ça. Oui, ça te sent pas. Moi j'aime bien les livres audio, c'est sympa. Mm. Ouais, puis je crois qu'à la fin du deuxième Aftermath, il y a une espèce de cliffhanger de fou. Énorme. Et puis j'attends le troisième avec impatience. Voilà, du coup, sur la planète d'origine de Rey, il se passe un petit truc, et là t'es comme un fou parce que ça peut être la réponse à pas mal de choses. Ouais. Et du coup, on va enchaîner avec Catalyst, qui est le roman qui va vous reposer Rogue One. Donc quelqu'un veut enchaîner sur Catalyst. Vas-y. Alors en fait Catalyst c'est un roman préquel à Rogue One, et ça va vous permettre en fait de faire connaissance avec les parents de Jean, avec Krennic. Peut-être avant je te coupe, mais est-ce que tu peux recaler un peu pour les gens qui ne suivraient pas? Oui. Rogue One. Alors c'est simple, rappelez-vous au début de l'épisode 4 dans le texte qui défile, on vous dit que des espions ont donné le plan de construction de l'étoile noire à la princesse Leia, et que donc Vador arrive dans le vaisseau pour essayer de les récupérer. Et bien en fait Rogue One ça va être le comment qu'ils ont fait pour donner les plans à la princesse Leia. Voilà. Okay. Donc ce n'est pas la suite de l'épisode 7, parce qu'il y a plein de gens qui le disent. Et oui, il y a une suite à Rogue One qui est déjà sortie, c'est l'épisode 4. Voilà, c'est tout, j'ai envie de dire ça. Ok. Et c'est un stand-alone, juste pour montrer ce petit bout de... Voilà, et c'est un truc qui fait un peu pas mal fantasmer les fans. Bah, c'est historique, parce que c'est le premier film qui n'est pas centré sur la famille Skywalker ou sur cette espèce de grande histoire qu'ils ont un fil rouge. Ouais. C'est un gros, pari de Disney, de Lucasfilm. Et je suis quand même ma main à couper que s'il fonctionne, il devrait... fonctionner. Ça va enchaîner sur d'autres trucs. C'est très loin d'être le dernier qu'on voit. Ouais. Après, c'est comme on disait tout à l'heure sur l'univers étendu. Dans les comics avant, donc l'ancien univers étendu, ça va de moins 36 000 à plus 140. Enfin, il y a George Lucas l'a dit à plusieurs fois qu'il y a énormément de choses à faire. Mmh. Après, la question, ça va être est-ce que c'est bien d'avoir un film Star Wars par an pendant 30 ans? Ça dépend, faut voir si l'histoire sera intéressante. Pour les gens qui ne sauraient pas, qui n'ont pas vu la bande-annonce, parce que autour de Rogue One, le personnage principal de Rogue One, apparemment c'est une fille qui s'appelle Jyn Erso, qui est jouée par Felicity Jones, qui est une super actrice qui était dans... Je ne connaissais pas trop en fait. Et ouais, ça me permet de la découvrir et c'est bien, ça me fait découvrir. Tu l'avais découvert, du coup tu l'as vu dans quoi à part ça? En fait, je l'ai découvert grâce à Star Wars et du coup je commençais un peu à jeter ça. T'as pas regardé un œil sur ça? Si, j'ai regardé un coup d'œil sur sa filmographie. Mais j'ai pas retenu, mais là dernièrement vous pouvez la voir avec Tom Hanks dans un film pas terrible, la suite là, de David Chicote, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, tiens, Inferno, voilà. Pas après, elle a fait pas mal de petits films en Angleterre, je crois, non? Ouais, je ne sais pas. Je commence à la découvrir. Et du coup, tu peux nous parler un peu plus de Catalyst. D'accord. Donc en fait, Catalyst, alors ça se passe des années avant, puisque dans le bouquin on assiste à la naissance de Jean, donc ça se place, on voit ses parents, donc Galen et sa femme Lyra. On voit aussi Krennic. Donc qui va être le méchant du film. Il y a dans la bande-annonce, c'est l'officier impérial. Voilà, qui est habillé en blanc. Qui a pas l'air rigolo. Et ça a l'air d'un fils de... Et donc, le papa de Jean est joué par Matt Mikkelsen, qui joue aussi dans Doctor Strange. Je pense que le rôle va être beaucoup plus intéressant. Oui, en même temps, c'est pas très dur. Mais en tout cas, Catalyst, ça vous permet un peu de faire connaissance avec ces personnages, de voir un peu quel était le statut politique à l'époque, c'est-à-dire ça commence avec la guerre des clones et ça va jusqu'à après l'épisode 3. Voilà, on est vraiment fin guerre des clones, avènement de l'Empire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'au début, l'Empire est présenté comme étant quelque chose de positif parce qu'il a mis fin à une guerre infernale et qui se veut, donc l'empereur Palpatine fait d'énormes discours sur le fait qu'il veut l'unifier, la galaxie dans la paix, tout ça. Et petit à petit dans le roman, de par ce personnage d'Orson Krennic et d'autres personnages qui satellitent un peu autour, tu vois que l'Empire petit à petit commence montre son vrai visage d'une tyrannie galactique. Ça m'a rappelé justement le roman Lost Star où on voyait un peu la même évolution, à savoir on est trop gentil, puis en fait on est des enculés, quoi. Et moi ce que j'aime bien d'ailleurs en parlant de roman dans le même genre, on peut rebondir aussi sur le roman qui s'appelle Tarkin, qui est centré sur le personnage. Et du même auteur, justement, John Luceno. Qui est centré sur le personnage de Willouf Tarkin. Alors, c'est le personnage qui apparaît dans l'épisode 4, qui est à la tête de l'Étoile Noire, celui qui dit à Leïla qu'ils vont détruire sa planète. Voilà, qui est joué par Peter Cushing, une grande figure, justement, des productions Hammer, par exemple. Et du coup, que ce soit dans le roman Catalyst ou dans ce roman Tarkin, vraiment, je trouve qu'on voit que, Palpatine, c'est le Dark Side, c'est un Sith, mais le ver était déjà dans le fruit avant, il y a énormément de politiciens corrompus, il y a énormément de militaires arrogants et carriéristes, et en fait Palpatine est arrivé et quasiment il a qu'à mettre les bons pions au bon endroit, ce qu'il sait très bien faire, et son empire il a déroulé d'un coup, et du coup ça donne vraiment une explication sur le fait que comment est-ce qu'une ancienne république démocratique a pu devenir un empire galactique aussi froid, c'est que déjà en fait c'était pourri. Palpatine n'est qu'à arriver en disant voilà, toi tu vas là, et puis il a laissé tout faire. Du coup c'est très intéressant. C'est ça, c'est vraiment le roman si vous aimez tout ce qui est manipulation politique et scientifique, parce que justement à côté de ça on voit justement Monsieur Erso qui travaille sur en fait la gestion d'énergie en utilisant des cristaux en fait, j'ai jamais prononcé le nom, Kyber, merci, en fait c'est des cristaux que vous avez dans les sabres laser. Si vous posez la question, donc il utilise la technologie des sabres laser. Voilà, et il veut faire quelque chose avec. Alors je veux pas trop dire pour pas trop spoiler, parce que ce soit sur le bouquin ou par rapport au film, si vous suivez pas trop. Mais voilà quoi. Et c'est pas un livre que je conseillerais si vous voulez commencer l'univers étendu, mais je vous le conseille déjà si vous voulez vous préparer au film, et surtout si vous voulez avoir un complément au film, parce que je pense qu'au niveau psychologie des personnages, liens et autres, je pense qu'il y aura un moyen d'approfondir avec ce qu'on va voir. Ouais, c'est ça, c'est centré. enchaîner ou juste ah, oui, non, c'est juste ça. C'est assez, effectivement, c'est assez simple, assez centré sur la famille des Herceaux et notamment Galen, qui est donc et le grand scientifique, mais aussi un pacifiste convaincu. Sa mère, elle est géniale, Lyra. Et ouais, les personnages sont bien écrits. Ah non, c'est, mais je vous jure, s'il me la tue. C'est des personnages qu'on voit dans les, qu'on verra dans le film. Quoi. On les a vus dans la bande annonce. Si vous avez aimé le film, allez-y, parce qu'en plus, ça se lit bien. Ok. Alors, par contre, il n'est qu'en anglais. Pour l'instant, oui, il est sorti le mois dernier. Il sort, je crois, en avril ou mai 2017 en français. Ok, et donc, pour enchaîner, on va peut-être enchaîner. Pourquoi aller voir ce film demain? Pourquoi on va se réveiller super tôt pour aller faire la queue Alors moi, parce qu'il faut que j'amène la petite à la crèche, mais ça n'a aucun rapport. Donc, Mathieu, comme c'est Faye qui avait la parole, est-ce que tu as trois raisons pour lesquelles il faut aller voir Rogue One Star Wars, hein, désolé, mais voilà, c'est un univers que j'adore personnellement. Raison 2, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quand même nouveau de voir quelque chose qui se passe en dehors des Skywalker, en dehors des Jedi, en dehors des Sith, de voir a priori un film de guerre. Et trois, Gareth Edwards, le réalisateur, son Godzilla était exceptionnel. Ouais, Godzilla, c'est génial. Et Monster aussi était vraiment son Monster très bon, était très très bon. Il a une belle équipe, il y a des bons acteurs, ça a l'air bien solide, même s'il y a eu des petites... Il y a pas mal de rumeurs, c'est complot, pas super bien passé. Dis, mais... C'est le complot. C'est les Star Trek, c'est les trickistes. Bon, lui, en tout cas, en promo, il est très très bon et il... Et il a l'air de jouer son truc. Il y a pas mal de critiques sur le fait qu'il y a eu pas mal de reshoot, que le montage c'est pas lui, tout ça. Bon, la réponse on l'aura demain. Mais c'est des rumeurs, de toute façon, il faut pas croire. Moi je vous dis, allez voir le film, jugez le film et oubliez le reste autour. Oui, parce que les reshoots, il y en a partout maintenant. Est-ce que toi tu peux donner vite fait tes trois raisons pour lesquelles il faut aller voir Star Wars s'il les a pas données déjà? Bah déjà, oui, je dis déjà Star Wars parce que c'est mon ADN. C'est mon ADN. Après, cette histoire. C'est mon ADN. C'est vrai. On la gardera. Faye Fanel, comme tu dis ce que 2016. Star Wars, c'est mon ADN. C'est un mélange de ça et de Tolkien en fait. Bon, bref. Et sinon, le fait qu'on raconte cette partie-là de comment ils ont pris les plans, ça, et le côté film de guerre, le côté espionnage, le côté on lutte et tout, j'aime bien le message qu'il y a derrière. Et puis, pareil, c'est vrai, casting Gareth Edwards, quoi. Casting Gareth Edwards. Ouais, les deux. Ok. Non mais vraiment, surtout l'histoire, je pense, c'est bien d'avoir un peu d'espoir et de lutte dans ce monde de fou. Du coup, j'avais demandé si on pouvait aller plus loin, mais finalement, on est dans les temps, on va couper sur ça. On devait pas faire les attentes, les coups de cœur. Ah oui, on avait les attentes et les coups de cœur. Vous aviez prévu quelque chose? Non. Moi, je voulais dire, parce qu'après, on va partir en vacances. Tu voulais parler des 3% que t'as vu Ouais. Ah oui, cette semaine, j'ai découvert sur Netflix une série brésilienne qui s'appelle 3%, et que je vous conseille, c'est en 8 épisodes, et en fait, c'est dans un monde un peu futuriste. En gros, dans la société, ils sélectionnent, enfin, ils font passer des tests à des jeunes. C'est une espèce d'Hunger Game. Mais en plus intelligent, ils doivent passer des tests, et seuls 3% sont choisis pour aller sur l'autre rive, un monde fantastique, enchanteur, mais... Les États-Unis. Non, ils disent pas, mais... Il y a du caca qui les accueille. Et en même temps, on a des gens qui n'y croient pas trop, qui s'appellent la cause, qui essaient d'infiltrer le truc. Et donc, on va essayer de suivre, voir qui va gagner, est-ce que la cause va renverser le truc. Alors, moi, j'ai regardé le premier épisode. Et on m'a dit surtout, le regarde pas en brésilien, enfin en portugais. Ouais. Parce qu'il surjoue beaucoup en portugais. Donc j'ai commencé l'épisode en anglais et c'était tellement non, mal doublé que j'ai switché. Non, mais il faut pas que tu t'arrêtes au premier épisode, parce que le premier épisode est très lent parce qu'il met les choses en place. Mais après, quand tu commences à sortir du deux, j'ai pas franchement, trop croché, j'ai tout bouffé en une nuit. Parce qu'ils envoient du caraï un peu. Ouais. Pour le radon VO alors. Ouais, mais il surjoue un peu. Ouais, je conseille ça. Et puis pour Noël, parce que c'est bientôt Noël, le 23 décembre sur Netflix, il y a une série animée faite par Guillermo del Toro qui a l'air bien sympathique, qui s'appelle Troll Hunter. Donc, c'est Guillermo del Toro, donc forcément, ça doit être. Voilà, ça va être bien. Et puis pour Noël, c'est bien Guillermo del Toro. Ouais. Il y a des fées, il y a des licornes. Les Pacific Rim, c'est parfait. Le labyrinthe de Pan, tout ça. Voilà, ça fait pan-pan, c'est sûr. Et puis il y a Rogue One. Mon Dieu, je galère. Du coup, moi, je voulais vous parler de. J'ai complètement zappé le nom de la série. Il y a une nouvelle série aussi qui va arriver sur Netflix, qui a l'air très sympathique. En fait, c'est que Netflix. Ouais, c'est une des attentes très Netflix. Ça débarque ce week-end et c'est une série de SF sur une fille qui revient dans sa famille alors qu'elle avait disparu depuis un certain temps. Et en fait, avant de disparaître, elle était aveugle et maintenant elle n'est plus aveugle. Oh. Et apparemment, il y a tout un truc de. J'ai juste vu un trailer et le trailer elle donne vraiment envie de regarder. Et ça me faisait beaucoup penser à Stranger Things. Il y avait un petit côté comme ça. Je sais pas si tu as vu le trailer. Ouais, mais j'ai pas vu le côté. T'as pas vu le côté très gentil. Non. Parce que le côté, mais on la voit avec dans des flashbacks, avec des espèces de. Elle a eu des trucs scientifiques sur elle et tout. Ça, c'est pour ça que ça me faisait penser un peu à Stranger Things. Mais en tout cas, ça a l'air très sympathique. Les séries Netflix création originale, souvent c'est cool. Ouais, quand on regarde Narcos, c'était cool. Ouais, c'est bien produit. Ouais, Better Call Saul, c'était bien. Ouais, aussi. Better Call Saul, c'est génial. Enfin bon, Netflix, c'est la plupart du temps, c'est cool, même si il y a deux trois genre Kimmy Schmidt qui était pas génial. Oh, j'ai pas aimé. Alors moi, je déteste Orange New Black. Je vais me faire taper. Ouais, Orange New Black. Moi, je ne vois pas l'intérêt de la série, mais bon, si c'est vous pas aimez, une, c'est pas une série. C'est une série Netflix. Hein. Dès le départ ou ça a été repris après par Netflix. Je sais pas. Moi, on m'a dit que c'était Netflix en tout cas. Il me semble que c'était repris, non. Ça a été repris. Moment que ça existe. Je sais pas. Et toi, t'as une autre attente à part Rogue One? Non, non. Je sais pas quoi vous parlez. Il y a le roman Rogue One qui sort le 16 aussi, mais c'est en anglais. Et l'OST Rogue One qui sort le 16 aussi. C'est très, demain, très... il y a des affiches Rogue One. Bon, on voit au cinéma, ouais. Là. Allez. Ouais, ouais, bah, oui, d'ailleurs, si vous allez demain, sachez qu'on sera à la première séance. Donc, si vous voulez nous croiser, soyez des fous qui s'excitent. Soyez des fous qui crient et qui essayent d'arracher des affiches. puisque le Gaumont Multiplex donne des affiches aux premiers arrivants. Tu les récupères en échange de ton ticket quand tu passes. Oui, oui. Ou sinon tu viens avec un pistolet et tu braques le cinéma. Donnez-moi l'idée, ça, ouais, tiens, on va faire ça. Ouais. Et sachez que vous avez les lunettes spéciales 3D Star Wars, on en a acheté deux paires. Ouais, alors j'ai pris que les Stormtroopers et les Death Troopers, parce que les Rebelles, pas top. Hein. Les Rebelles sont pas très très... Par contre, si vous avez des lunettes, les Death Troopers, c'est mort, vous les mettez pas par-dessus. Hein. Déjà, les Stormtroopers, c'est limite. Ok. Du coup, où on en était? Je ne sais pas. On allait dire au revoir, mon cher James. On allait dire au revoir. Sachez que la radio ferme pendant deux semaines. Du coup, pas de. Oui, il y a tout le monde qui me montre mon portable. Le concours. Le concours. Il y a un portable. Oui, mais laisse-moi finir. Ah, le concours. Je veux dire, la radio ferme deux semaines là, pendant les vacances de Noël. Du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer une petite émission ou si on fera un podcast spécial. On verra. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Moi aussi. Ou peut-être un best-of. Peut-être une rediff, ouais, on verra. Un best-of avec les meilleures répliques. On l'a proposé, on m'a dit, mais vas-y, fais un best-of. Oui. Mais je savais pas trop. Mais je mets quoi en best-of, quoi? Et bah, Star Wars, c'est mon ADN. Ouais, on l'a fait le best-of, regarde. Voilà, exactement. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le concours Facebook. Donc, vous allez sur Facebook, vous partagez l'image en public et vous allez gagner plein de cadeaux, notamment des trucs de nos partenaires Food. Si vous ne savez pas Food, c'est une épicerie américaine qui fait des bagels, qui fait des hot dogs et qui fait plein de produits en import US qui sont très très cool. Pour aller voir Rogue One. Exactement. Et qui nous offre de l'eau, donc vous verrez, c'est très très cool. Moi, je mets des comics de ma poche, des comics à moi. Je vous les signerai même si vous voulez. T'as volé toi-même? Non, je l'ai pas volé. Le mieux, je pense, le premier tome de Lock and Key, dont je vous avais parlé il y a quelques semaines dans le spécial Halloween, qui était vraiment très cool. Et Planète Interdite va peut-être nous offrir des trucs. On croise les doigts. Donc, allez partager l'image Facebook. On va envoyer la chanson de fin. Attention, t'as l'œil. Qui a été choisie par notre cher ami Faye. Ouais. Et c'est quoi déjà? C'est, t'as pris Oasis, The Importance of Being Idol. Exactement. J'ai bien dit, je travaillais l'accent là. Ouais, exactement. n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Comics Discovery, sur Facebook, Comics Discovery, sur Instagram, à Comics Discovery, et sur www.comicsdiscovery.fr. Et sur ce, on va vous laisser. On vous dit à demain pour les gens sur Montpellier qui voudraient nous croiser. Si sur mon Twitter vous voyez des cris de joie, d'excitation, c'est que j'aurais vu Rogue One. Voilà. Ok, allez, bye. Bonnes vacances. Ciao. Bonnes vacances. Bonne fête.